d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce lundi dont voici les grands titres. Les banques commerciales du Burundi qui ont la mission de change de la banque de la monnaie étrangère ne le font qu'avec le dollar et ou l'euro, fait reconnu par la Banque de la République du Burundi. Des habitants des zones Buiza et Kinama, mairie de Bujumbura, se plaignent du tapage nocturne suite à l'insonorisation des maisons de boîte de nuit et demandent la résolution de ce problème. Au moment où ce mardi sera le délai limite de dépôt des dossiers de candidature au conseil communaux, à Muyinga, on indique que deux partis politiques ont déjà complété leurs dossiers, tandis qu'à Bururi, la CPI informe avoir reçu 5 dossiers des partis politiques et 6 autres appartenant aux indépendants. Au cours de ce journal, vous allez suivre la chronique sportive à propos de l'arbitrage de football. Voilà pour le sommaire. Vestine Boutoué, je suis à la présentation de ce journal. Alphonse Koubouimane assure la mise en onde. Bienvenue encore une fois. Rebonjour, la radio Isanganiro organise pour la 8e fois la compétition Isanganiro Awards qui vise à promouvoir l'artiste burundais à travers les œuvres musicales. Après 20 chansons qui avaient été choisies par un jury se basant sur des critères qui aident à choisir les meilleures chansons, 10 parmi les 20 restent en compétition ce mardi. Ce samedi, le 14 mars de cette année, pendant la finale, sera proclamée la meilleure chanson parmi les 10. Et en attendant la proclamation, les mélomanes sont appelés à voter. Christian Savier revient sur les 10 chansons qui restent au podium. Isanganiro Award. Chanson en finale Isanganiro Award édition 8 sont Vovota de Mbidata, Umbamo de Estanish, Umubabaro de Satbi, Ijambo de Eden Vanga, Africa de Natasha, Sorry de Vishu, Witumingi de Estanish, Focus de Mbidata, Oroha de DJ Philbyte et Mumbashaka de Dabo J. Pour voter étoile 190, étoile 2, entrée, vous allez trouver toute une liste des chansons en compétition. Et c'est ce samedi 14 mars, le grand jour, où sera proclamée la chanson gagnante en remplacement de la précédente Iwachu de Bernice Debel. Iwachu, Burundi, Iwachu, Burundi, dushize hamwe twateze imbere. Merci Christian Savier. Le parti UPD Zigamibanga ne va pas participer à l'élection présidentielle du 20 mars de cette année. Dans un communiqué sorti ce lundi, ce parti indique que Kassim Abdoul n'est plus candidat à cette élection. Pourtant, le même communiqué précise que le parti va participer aux élections législatives et communales. Le parti UPD Zigamibanga devient le deuxième à se retirer de cette élection après le parti Frode Bunyakuri. À un jour de la clôture du dépôt des dossiers pour les candidats au conseil communal, seulement 2 formations politiques ont des dossiers complets l'avant-midi de ce lundi à Muyinga. La présidente de la commission électorale et provinciale indépendante à Muyinga indique attendre encore que les candidats pour le compte de 2 autres partis politiques complètent leurs dossiers. Au total, les 4 partis politiques ont déjà manifesté l'intention de participer aux élections communales de mai prochain en province de Muyinga. Dieudonné Zeyman, la correspondance. Le parti CNDD-FDD, avec des postulants pour les conseils communaux dans cette commune de la province Muyinga, le parti IPD Zigamibanga, avec des candidats dans 3 communes, sont les seules formations politiques avec des dossiers complets lundi avant midi à la commission électorale provinciale indépendante Muyinga. Grete Kamaliza, présidente de cette commission, précise attendre encore seulement les dossiers de 2 partis politiques, le CNL et l'IPRONA, qui sont tenus de compléter les dossiers d'ici mardi, jour d'expiration des délais de prorogation pour les dépôts des dossiers. Pour les élections communales à Muyinga, aucun indépendant. Pour ceux qui doivent compléter les dossiers, Prosper Bizindavi, représentant le parti CNL, est optimiste. Les documents nécessaires seront au complet mardi. L'extrait du casier judiciaire signé à Bujumbura est le document qui a le plus donné du fil à retordre aux candidats d'après le représentant du CNL. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Les dossiers de 5 partis politiques et de 6 indépendants sont ceux-là déjà déposés à la commission électorale et provinciale indépendante à Bururi pour les conseillers communaux jusqu'à la mi-journée de ce lundi. Leonidas Ninele, président de la dite commission à Bururi, dit que d'autres sont attendus jusqu'à 17h de ce mardi, heure d'expiration de la prolongation du délai leur accordé. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Dans ces 5 partis politiques dont les dossiers pour les élections communales sont déjà parvenus à la CPI Bururi à la mi-journée de ce lundi, 2 partis politiques, à savoir le CNDD-FDD et le CNL, ont des candidats conseillers communaux dans toutes les 6 communes de la province Bururi et sur toutes les collines. L'UPRONA a déjà présenté les candidats conseillers communaux dans les communes de Mugamba et Matana sur toutes les collines. Le parti RPB Nourenganyue a déjà présenté les dossiers en commune Mugamba et sur 16 collines des 30 collines que compte la commune Mugamba. Le parti PSD Dusabi Kanye, quant à lui, a déjà présenté des dossiers en commune Mugamba et cela sur 26 collines des 30 que compte cette commune. Leonidas Ninheretse, président de la commission électorale provinciale indépendante de Bururi, dit que même les indépendants sont en lice, 4 en commune Bururi et 2 en commune Mugamba. Le président de la CPI Bururi dit que les portes restent ouvertes à ceux ou celles qui veulent déposer leur dossier jusqu'à 17h de ce mardi, heure d'expiration de la prolongation du délai de dépôt de ces dossiers. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Il est 13h03 au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Certains habitants de la zone Ekina à Maïbouiza de la ville de Bujumbura se lamentent des bruits dus au tapage nocturne de certaines maisons de boîte de nuit. Ces habitants disent que ces bruits perturbent leur sécurité. Ils demandent aux autorités administratives de résoudre ce problème. Mais le reportage de Jean-Marie Mayonga. Ces habitants des zones Kamenge, Kinama et zone Bouiza, tout près des bars qui ont des boîtes de nuit, disent qu'ils ne dorment pas suite au bruit des musiques provenant de ces boîtes de nuit. Parmi ces habitants, il y a des étudiants qui affirment de ne pas pouvoir réviser la matière pendant la nuit à cause de ces tapages nocturnes exagérés. Même pour revoir la matière, c'est difficile pour nous. Parce que la musique commence à partir de 18h jusqu'à 5h. Là, c'est beaucoup plus dérangeant. Parce qu'en pleine journée comme ça, nous, on sera toujours à l'école, on sera toujours à l'université. Mais pendant la nuit, c'est l'heure de revoir un peu de la matière en quittant de l'école. Maintenant, arriver ici, c'est trop difficile à revoir la matière parce qu'il y a trop de bruit avec les zones sonores ici, c'est difficile pour nous. Tous ces habitants des zones Kinama, à côté du Trebika Bar, Kamenge en face de Guerra Plaza Bar et Abuiza juste à côté du bar Escotis, demandent aux autorités administratives de trouver une solution à ce problème. Tel est ainsi au moment où la mairie de Bujumbura avait demandé aux propriétaires des bars qui possèdent des boîtes de nuit de faire ces tapages d'une manière à ne pas déranger pendant la nuit les habitants environnants. Merci Jean-Marie Mayonga. Il y a toute une semaine que l'eau atterrit dans tous les robinets du centre Guiang en province de Bubanza. Les habitants de cette localité qui vont acheter de l'eau dans d'autres villages demandent aux autorités de résoudre ce problème. Ils disent également qu'ils craignent le retour des maladies des mensales si rien n'est fait. L'administrateur de la commune Guianga explique que les tuyaux au niveau des sources de captage à Rugazi ont été endommagés mais qu'ils sont en train d'être réparés, ce qui est également confirmé par les agents de la régie des eaux, Spécicaritas Kabanyana. Les habitants du centre de Guianga indiquent qu'ils n'ont pas d'eau depuis bientôt une semaine. Ceux qui le peuvent disent qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour aller puiser dans d'autres villages un bidon de 20 litres pour 100 francs et quelques 400 francs, 500 et même plus pour le transport. Ça dépend de la distance et de l'état de la route, comme le racontent les personnes rencontrées à la 5e transversale de cette commune ce lundi matin. Ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter nous ont signifié qu'ils utilisent minéraux sales des canaux d'irrigation et craignent que les maladies des mains sales devenues cycliques dans la localité risquent de réapparaître suite à ce manque d'eau. Même inquiétude dans les hôpitaux, dans les centres de santé et dans les écoles qui manquent également d'eau, comme nous l'avons constaté ce lundi. L'administrateur de la commune Gihanga explique qu'il y a eu une panne au niveau des tuyaux près des sources de captage de Rugazi, ce qui a causé la pénurie d'eau à Gihanga Centre. Léopold Ndayisaba ajoute que la régie des eaux est à pied d'œuvre pour réparer ce qui a été endommagé, ce qui est également confirmé par certains agents de la régie des eaux. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Les banques commerciales ouvrant au Burundi auxquelles on a confié la monnaie étrangère font le change du dollar et de l'euro uniquement. Des banques visitées par la radio Isanganiro l'avant-midi de ce lundi avancent que la Banque de la République du Burundi ne reçoit pas d'autres billets étrangers au niveau de la Banque centrale et l'on reconnaît cette situation, mais rassure que c'est une question sous analyse. Elini Benibigira. À la Banque BCB par exemple, deux guichets mis en place pour accueillir les acheteurs et les vendeurs de la monnaie étrangère fonctionnent normalement. Cependant, d'autres billets étrangers, à part l'euro et le dollar, ne sont pas octroyés. Même à l'interbanque, des devises comme le yen japonais, le yuan chinois, les shillings, livres sterling en provenance de la Grande-Bretagne, les CFA utilisés dans les pays ouest africains ne sont pas reçus. Mais le travail de change du dollar et de l'euro était en cours. À la banque Bankobu, l'on nous a informé que l'on vend et achète uniquement l'euro et le dollar. À la banque tanzanienne CRDB, il s'observe également des vendeurs et acheteurs de la monnaie européenne et du dollar américain. Au niveau de la FinBank, même s'il n'y avait pas de change de monnaie étrangère ce lundi, l'on nous a informé que d'habitude il se fait, mais seuls l'euro et le dollar sont achetés et vendus. Au niveau de cette banque, l'on note que le change d'autres billets étrangers est prévu. Ce qui manque, selon elle, ce sont ces billets. Certains employés de ces banques visitées par la radio Isanganiro expliquent que quand bien même les autres devises seraient reçues, l'on ne trouverait pas où les mettre. Ils disent que la banque centrale ne les reçoit pas. La Banque de la République du Burundi affirme ne pas recevoir ces billets, expliquant qu'il doit y avoir des conventions préalables entre le Burundi et les pays utilisant ces billets. Quand elle a été contactée, la Banque centrale a rassuré que la question est sous analyse. La Banque centrale a pris la mesure, mi-février de l'année en cours, d'interdire au bureau de change de faire ce travail pour être confié aux banques centrales opérant sur le sol burundais. Merci Elini Benibigila. Le ministère du Commerce et de l'Industrie met en garde les magasins et commerçants spéculateurs que des mesures contraignantes seront prises. Les quantités du sucre produit par l'Assosumo sont suffisantes. Ces quantités distribuées mensuellement sont restées de 2500 à 2700 tonnes. Le ministre Jean-Marie Niokindi l'a dit dans une conférence de presse animée ce lundi. Suivez-le. Ces derniers mois, certains commerçants ont tendance à ne pas respecter le prix du sucre en vigueur de 2400 francs-bouts par kilo et qui varie actuellement entre 2600 francs-bouts et 3000 francs-bouts. Face à cette situation qui devient de plus en plus intenable, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme tient à informer le public en général et les consommateurs en particulier et qu'il est conscient de la gravité du problème, source de grand malaise chez les consommateurs et que des mesures ont été prises en vue de faire cesser cette spéculation. À tous ces commerçants spéculateurs, je dis stop. Je veux voir le sucre à un prix normal sur les différents marchés du pays parce que le sucre se trouve bel et bien en quantité suffisante dans leurs magasins. Les magasins concernés par la spéculation seront fermés. De fortes amendes seront infligées et les quantités saisies de sucre cachées seront vendus aux enchères. En outre, les grossistes agréés par la Sosumo qui seront attrapés en train de spéculer seront également rayés de la liste et les sanctions pécuniaires leur seront imposées. Les amendes seront infligées aux détaillants spéculateurs. Je demande à la population, en particulier aux consommateurs de sucre Sosumo, de dénoncer toute fraude. Son ministre dit avoir rayé 5 commerçants du sucre et 21 du ciment type Bousséco de la liste de distribution de ses produits. Les matchs comptant pour la finale du championnat national de netball regroupant ces équipes et ont été joués ce dimanche. Côté masculin, c'est l'équipe de l'École normale et supérieure qui a été sacrée championne, au moment où du côté féminin, c'est l'équipe de l'Assemblée nationale. Au football, le championnat national et de la première division était à sa 24e journée. Vitalo FC a égalisé un but partout avec Glenoir. Le match a opposé les deux équipes de la province Ngozi, à savoir Messager Ngozi et Ngozi City, s'est soldé sur 4-0 en faveur de Messager Ngozi. Cette victoire a permis à Messager Ngozi de garder la première place avec 50 points, au moment où Ngozi City est dernière avec 15 points. Radio Isanganiro, chronique sport. L'arbitrage de football à l'aide de la VAR, qui signifie en anglais Video Assistance Referee, est un système qui évalue les décisions injustes prises par l'arbitre central lors d'un match. Cela est dit par le président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football, FFB. Jean-Claude Niungabo indique que ce système de VAR intervient dans 4 différentes catégories bien précises. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazeneza. L'arbitrage à l'aide du VAR, qui signifie Video Assistance Referee en anglais, est utilisé par un officier du match de football qui examine les décisions prises par l'arbitre central. Cela est dit par Jean-Claude Niungabo, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football, FFB. Le VAR, c'est un officiel de match dans le football qui examine les décisions prises par l'arbitre en chef ou l'arbitre central. Donc il est là, il est assis dans une cabine technique sur pour justement être en mesure de voir tous les aspects du match et conseiller à l'arbitre de prendre les meilleures décisions. Cet expert en arbitrage de football fait savoir que ce système de VAR est utilisable dans 4 catégories différentes. Le VAR intervient lorsqu'un but est marqué. Le VAR doit confirmer que le but a été régulièrement marqué et qu'aucune faute n'a été commise avant que le but ne soit marqué. Deuxième catégorie, c'est lorsqu'il y a un pénalty. Le VAR doit confirmer que le pénalty a été correctement sifflé par l'arbitre. Ou si le pénalty n'a pas été sifflé alors qu'il devait l'être. La troisième catégorie, c'est quand un carton rouge doit être donné à un joueur fautif. Un carton rouge direct. Donc la quatrième et la dernière catégorie, c'est l'identité du joueur fautif. Il peut arriver qu'un arbitre donne un carton jaune ou un carton rouge à un joueur, mais parce que le football aujourd'hui est très rapide, l'arbitre peut se tromper de l'identité du joueur fautif. Donc si l'arbitre se trompe de l'identité du joueur fautif, il est aidé par le VAR. Jean-Claude Niongabo précise que le VAR a été initié dans le but de prendre des décisions justes lors d'un match. Le VAR, il est nécessaire. Le football est très rapide ces jours-ci. Le football est devenu un peu technologique, ce qui demande que les décisions doivent être prises instantanément. L'arbitre, des fois, il peut prendre des décisions qui ne sont pas correctes. C'est pour cette raison que la FIFA a inventé et préconisé et recommandé que le VAR soit l'outil pour aider les arbitres à prendre les décisions correctement. Ce président chargé de la commission d'arbitrage au sein de la FFB indique que le manque des moyens est un défi qui freine l'application de la VAR sur le continent africain. L'application du VAR est un défi en Afrique parce que effectivement le VAR demande qu'il y ait des installations sophistiquées et qui demandent beaucoup de moyens. Malgré cela, Jean-Claude Niongabo ajoute que ce système est déjà opérationnel dans les pays des Maghrébins, surtout au Maroc. Actualité internationale. Au Cameroun, une série d'attentats a fait 9 morts et de nombreux blessés ce week-end dans l'ouest du pays, en proie à un violent conflit séparatiste. Selon le site de la Radio France Internationale, cela a commencé d'abord dans la nuit de ce samedi à dimanche le 8 mars, dans la ville de Galim et dimanche à Bamenda, en pleine manifestation de la Journée internationale des droits de la femme. Les autorités attribuent ces attentats aux séparatistes anglophones qui sont en guerre avec les forces de défense et de sécurité. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci à Alphonse Koubouimana pour sa collaboration technique. Merci également à Evariste Nzikowanyanga qui était à la réalisation de ce journal. Vestine Outoui, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.